France Culture avec Philosophie. Géraldine Mühlmann. Nous avons vu dans les épisodes précédents que la transgression est une chose importante liée à notre capacité à nous révolter, à créer, à inventer, mais aussi qu'elle peut receler certaines zones troubles, de possibles désirs d'ordre souterrains. Allons encore plus loin, transgression et perversion, quel rapport entre ces notions ? La transgression est-elle un nouveau conformisme ? C'est le titre général de la série que nous vous proposons cette semaine, d'où une réflexion sur ce qu'il y a de complexe, voire d'ambigu, dans la transgression. Celle-ci exprime à l'évidence une libération à l'égard des normes, mais elle peut cacher parfois des envies normatives très fortes. D'où la réflexion que je vous propose pour ce troisième épisode. Et si la transgression systématisée n'était rien d'autre qu'une tendance à la perversion ? La question est suggestive, mais en même temps, elle ne peut pas avoir de sens si on ne s'entend pas bien sur les mots. Pas sûr d'ailleurs que Freud se satisferait d'un tel raccourci. Un autre problème se pose. Et si la société autour de nous était, elle, fondamentalement perverse, alors lui résister ne serait-ce pas bel et bien activer une transgression à l'égard de cet environnement pervers ? Bienvenue dans une analyse serrée, un peu difficile, assez passionnante j'espère, de ces deux concepts, transgression et perversion. Bonjour Isabelle Alfandari. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, philosophe et psychanalyste. Vous allez nous expliquer ces concepts chez Freud et aussi chez Lacan. Je me réjouis d'avance car je connais votre clarté et votre précision. Et bonjour Dany Robert Dufour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur honoraire des universités. Nous vous avons déjà reçu il y a quelques mois pour parler de votre livre sur le capitalisme contemporain, paru en 2021 chez Actes Sud, « Baisse ton prochain », une histoire souterraine du capitalisme. Et aujourd'hui, nous allons revenir à votre livre antérieur, « La cité perverse, libéralisme et pornographie », qu'on peut lire en poche dans la collection Folio de Gallimard. Le dos, puis le ventre au mur, cette jeune et belle jeune fille de 19 ans a fait sensation en s'offrant un splendide striptease public qui a évité l'écueil de la provocation. Malgré le poids suggestif des mots qui nous promettaient qu'elle enlèverait le haut le 2 septembre et le bas le 4. Promesse tenue d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui elle est nue sur la plupart des murs des villes de France. Signe des temps, ses fesses qu'elle a laissées photographier pour environ 40 000 francs, choque moins que celle de Michel Polnareff en 1970, car excepté le bureau de vérification de la publicité qui désapprouve et quelques féministes décidés à réagir contre cette utilisation abusive du corps féminin, cette campagne orchestrée par Jean-François Jouvel et Joël Lebert, respectivement photographe et directeur artistique d'une agence de publicité, apparaît plutôt, s'il est bien compris, comme un appel au bien-être. Le dernier cliché de vacances réussies, comme l'est également ce magnifique coup publicitaire. Ainsi, Myriam a réalisé un exploit difficile, créer l'événement en évitant le scandale avec trois photos qui recèlent à mon avis un petit air de liberté, une pause qui pourrait aussi vouloir dire « et alors ?» France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre un sujet de la mi-journée, du journal de la mi-journée d'Antenne 2 à l'époque, en 1981, qui évoquait une affiche publicitaire, d'ailleurs pour un groupe d'affichage publicitaire, c'était la pub qui parlait de la pub, et donc Myriam, qui seins nus nous promettait plus tard d'enlever le bas, ce qui fut fait, de dos certes. Tout cela a produit, comme il est dit dans ce sujet, moins de scandales qu'en 1972, l'affiche de Polnareff, qui montrait ses fesses pour annoncer un spectacle, et l'affiche disait « un petit cul peut mener à de grandes choses ». Et cette affiche avait valu à Polnareff une condamnation à 60 000 francs de l'époque pour attentat à la pudeur. Alors un petit air de liberté, nous dit le journaliste dans ce reportage ou ce sujet. Je voudrais savoir, Dany Robert Dufour, comment vous voyez les choses ? Est-ce un petit air de liberté ou bien un symptôme déjà, même si ça ne s'est pas vu à l'époque, d'un certain ressort libidineux du capitalisme par rapport auquel vous êtes quand même assez critique. Exactement, je suis bien critique et je crois que vous avez choisi un parfait exemple pour montrer ce ressort. Je crois qu'il montre bien que nous sommes passés d'un système disons, théologico-politique à un autre. Globalement, nous étions dans un système répressif, avec donc l'idée de l'amour de Dieu qui était au centre de ce système, et maintenant nous sommes dans un système incitatif. Donc le système incitatif, évidemment, ça fait bien marcher le marché, si je puis dire. Incitant à quoi? À jouir? C'est une libération pulsionnelle. C'est-à-dire, le discours du marché est à peu près le suivant. Demandez ce que vous voulez, nous avons tous les produits manufacturés, tous les services marchands, tous les fantasmes sur mesure produits par les industries culturelles, pour satisfaire à peu près toutes vos appétences, même celles auxquelles vous n'avez pas pensé. Nous allons y penser. Mais des appétences sexuelles, dites-vous. C'est-à-dire que l'avidité, vous employez d'ailleurs le mot grec de pléonexia, on va peut-être y revenir, est extraordinairement liée dans le capitalisme, dites-vous, à la pulsion sexuelle, à cette espèce d'excitation sexuelle. Et donc, c'est pas du tout pour rien que les pubs font appel à des représentations de corps nus et même à des promesses. C'est-à-dire, demain, je te montre le bas et dans son genre, Polnareff, je te promets un sacré spectacle puisque tu vois mes fesses aujourd'hui. Pourquoi le sexe? Ça a commencé comme ça, le capitalisme de consommation. On le date d'après la crise de 1929. Donc, il a fallu relancer après cette crise énorme la consommation, c'était le seul moyen de relancer le capitalisme, et on a eu la création à ce moment-là d'un formidable personnage culturel qui s'appelle la pin-up. Oui. Et la pin-up était capable d'érotiser n'importe quel objet. Et on a eu des photos de pin-up, des reproductions de pin-up, avec, j'ai publié quelques-unes de ces reproductions, qui faisaient de la publicité pour des outils comme des pinces à molettes, des burettes, etc., etc. Et on voyait ces pin-up dans des positions extrêmement scabreuses avec ces outils dont la marque s'appelait Rigide. Il fallait quand même l'inventer. Et donc, ce personnage a été inventé par deux dessinateurs qui s'appellent George Petty et Alfredo Vargas en 1929, c'est-à-dire l'année même de la crise. Les crises sont pour vous très significatives. On va parler de celle de 2008, qui est probablement l'occasion de votre livre « La cité perverse » paru peu après. Oui. Les crises, pour vous, disent des choses très, très importantes. Exactement, sur le capitalisme. Exactement. Parce qu'à chaque crise, on croit que le capitalisme, c'était la promesse de Marx, en gros, que le capitalisme va s'effondrer. Et à chaque fois on constate que le capitalisme s'est mobilisé des ressources absolument nouvelles, inouïes, pour se relancer. Et c'est ce qui s'est passé en 1929. 1929, c'est quand même la crise du capitalisme de production, une crise de surproduction, et on relance par la consommation. Et à partir de 1929, donc il y a cette crise qui n'en finit plus de produire des effets terrifiants dans la société, chômage, etc., y compris des effets politiques. Mais après 1945, alors ce monde de la consommation commence à déferler partout dans tous les pays du monde. Alors là, c'est justement à ce moment-là qu'il faut érotiser donc l'ensemble des objets. C'est une figure d'identification pour les femmes qui veulent ressembler à cette femme, et c'est une figure pour les hommes qui sont attirés par ce que cette femme exhibe. Alors, Isabelle Alfondari, vous êtes psychanalyste, vous avez travaillé de près beaucoup de textes de Freud notamment, vous connaissez bien la théorie de la perversion chez Lacan également. C'est vrai qu'on va pas simplifier la psychanalyse, mais il n'est pas faux qu'elle elle voit de la libido dans beaucoup d'activités humaines. La pulsion sexuelle n'est pas que le passage à l'acte d'une sexualité. C'est pas juste le sexe tel que nous l'entendons. Il y a du sexe, d'une certaine, de la libido dans beaucoup de nos activités. Donc vous n'êtes pas surprise du fait que Robert Dufour considère le capitalisme, l'avidité capitalistique, le désir de consommer, d'acheter, de vendre, comme étant quelque chose de profondément libidineux, érotisé. C'est normal, ça va de soi. En tout cas, c'est un usage très habile du capitalisme. Mais vous avez raison de dire que la libido n'est pas simplement engagée dans l'activité, disons, sexuelle de reproduction génitale. Elle est même à l'origine de la vie. Hein. Ce que la psychanalyse a montré, c'est que la libido, c'est ce qui se détache de la satisfaction du besoin. Hein. C'est que le bébé, au sein de la mère, il éprouve non seulement une satisfaction interne de la, comment dire, de la satisfaction de son besoin, mais au-delà de ça, se dégage une petite marge qui est son plaisir, hein, oui. et qui est inséparable de son besoin, et qui va prendre une place de plus en plus grande et qui le tire du côté de la vie. Sans l'existence de ce plaisir, qu'on pourrait appeler l'origine de la libido, hein, libidinale si on veut, il n'y a pas de vie possible. Donc l'activité libidinale ou la motion libidinale, elle est présente dans toutes les activités humaines. C'est la mère, si j'ose dire, de toutes les activités. Oui, et donc... est-ce que c'est grave, docteur, quoi ? C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'il y ait une attirance dans la pub utilisant l'érotisme, c'est quelque chose dont Dany Robert Dufour va nous expliquer pourquoi il trouve ça préoccupant, voire hautement critiquable. Mais vous, par exemple, dans cette affaire de Myriam, qui a quand même déjà plus de 40 ans, les seins nus, la promesse de retirer le bas, etc. Est-ce que vous pensez que quelque chose de... On va juste employer d'autres mots, pervers, de toxique ou de malsain est à l'œuvre dans cette campagne d'affichage. Je ne sais pas dire ça, parce qu'il me semble que c'est une question morale qui se pose là. Oui. Et la psychanalyse, d'une certaine manière, elle cherche non pas à se... à éviter la question de la morale, mais elle essaye de comprendre généalogiquement ou archéologiquement ce qui se passe. Donc, je ne sais pas bien répondre à cette question. Mais en tout cas, c'est très habile pour le capitalisme de s'appuyer sur la question de la libido et sur la question de la jouissance, en fait. Parce que c'est pas n'importe quelle libido, c'est pas juste du côté du plaisir, mais d'un impératif à jouir de plus en plus, d'un encore qui est crocheté comme ça chez le sujet. Donc c'est très habile, ça marche à fond, on pourrait dire. C'est peut-être ça qui est problématique, c'est ce que ça déclenche chez l'autre, c'est ce que ça vise. Alors, je voudrais entendre des réactions de l'époque, parce que, comme vous venez de le dire, on a du mal à condamner, parce qu'on a l'impression d'être une oie blanche moraliste. Vous le dites d'ailleurs vous-même dans votre livre, Dany Robert Dufour, vous dites, bon, moi, je vais faire une critique de la perversion de notre société, mais je suis pas une oie blanche, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas un moraliste. Et vous allez l'entendre, c'est exactement comme cela que les féministes de l'époque ont réagi. En tout cas, elles ont pris la précaution de rappeler qu'elles ne voulaient pas faire de la morale. On écoute Jacqueline Sag, qui réagissait donc aux affiches dites Myriam en 1981. Elle était militante du MLF. Je pense que je parle en tant que femme du MLF. Absolument, oui. Donc, c'est vrai que la première chose que j'aurais envie de dire, c'est que nous ne sommes pas des dames patronesses. Donc, évidemment, nous ne sommes pas choquées. Mais après tout, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment une femme ? Parce qu'une femme se définit par un sexe, et là, après tout, on n'en a aucune preuve. Alors c'est déjà une question, puisque vous parliez de Michel Polnareff, on pourrait se dire, après tout, là est la question. Non mais, comment répondre ? Vous n'allez pas faire une campagne d'affichage pour protester contre cette atteinte aux droits de la femme, à l'intégrité de la femme ? Non, mais on pourrait quand même se dire que, après tout, dans un moment où il y a justement un régime socialiste, c'est-à-dire sans doute un accroissement de liberté, ça ne doit pas être un hasard qu'il y a en même temps un plus d'abus. Et c'est vrai qu'on peut se demander quand il y aura une limite positive, c'est-à-dire pas une répression, mais une limite à autant d'abus. Alors, parce qu'après, enfin, et puis aussi, on peut penser quand on voit ces photos, puisqu'au fond, c'est une immense femme, cette affiche. On peut se demander si c'est pas le fantasme de petits garçons qui ont devant eux la mer à boire, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et on peut dire que nous, en tout cas, on ne se laissera prendre à ce masochisme-là, puisqu'au fond, ce que révèle cette affiche, c'est un infantilisme très grand, et ni au masochisme, ni à la passivité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que cette militante du MLF est dans un état de malaise très grand. Elle a du mal à dire quelque chose, elle a très peur de passer pour moraliste, elle trouve aussi que c'est pas si grave, et puis en même temps il y a quelque chose de grave, elle a du mal à le dire. Eh bien vous allez nous aider, Dany Robert Dufour. Que pensez-vous de cette réaction et que pensez-vous, vous, de cette affaire maintenant. Écoutez, moi je ne suis pas du tout sur des positions morales. Moi je suis en train de m'interroger sur le passage d'un système de répression pulsionnelle dans lequel nous étions avant à un système d'incitation pulsionnelle. Et donc ça produit un certain nombre d'effets sur toutes les grandes économies humaines, évidemment sur l'économie marchande. Évidemment sur l'économie psychique, évidemment sur l'économie politique, peut-être sur l'économie discursive aussi. Et donc c'est toutes ces économies qui se trouvent bousculées. Donc ce n'est pas une question de morale pour moi. Mais votre livre est une critique radicale. Bien sûr, elle n'est pas morale, mais elle nous dit que ce n'est pas juste de l'excitation sexuelle anodine, oui. Que le capitalisme est dans une obscénité, vous employez oui. ce terme, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un plus jouir oui. de plus en plus, oui. et surtout en public, c'est-à-dire oui. qu'il y a une espèce de publicisation de la libido, oui. Et vous dites d'ailleurs que ça fait très longtemps, ça fait pas seulement depuis 1929, puisque vous écrivez que le mot grec porneia est lié à pernémie, qui était relatif à tout ce qui était vente et achat d'objets, oui. et que la pornée, c'est la prostituée, donc il y a l'idée oui. de la vente, et que la pléonexia, l'avidité, est très vite lié dans le capitalisme à la porneia. Il y a oui. quelque chose là d'énorme, oui. pas seulement juste un petit problème avec les seins oui. de Myriam, quoi. Oui, oui, oui, tout à fait. Non, c'est un problème énorme parce que c'est un changement de société. C'est-à-dire que la question qui se pose maintenant dans notre monde, qui est celle d'un certain nombre de limites pour que nous puissions vivre ensemble, pour que nous puissions survivre aussi dans ce monde sans trop le détruire, la question est posée avec ce toujours plus, parce mm-hmm. que c'est toujours plus dans l'économie financière, c'est toujours plus pour inciter les gens à la consommation, c'est toujours plus qui mène les gens d'une économie du désir à une économie de la jouissance, on vient d'en parler à l'instant, oui. et ceci pose maintenant un certain nombre de problèmes qui sont ceux de franchissement de limites. Ces limites ne sont pas seulement franchies au plan écologique, elles sont aussi franchies au plan d'une écologie psychique, si je puis dire, et d'une écologie marchande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes dans une économie financière qui vise la richesse infinie, mmh. et donc le déploiement de tous les moyens pour atteindre cette richesse infinie, nous changeons d'échelle par rapport à ce que nous sommes dans le monde. Le génie qui avait vu ça, c'est donc Mandeville au XVIIIe siècle. Ça, c'est l'objet d'ailleurs encore d'un autre livre de vous, dans la fable des abeilles qui faisait suite à un autre poème oui. Sur la ruche mécontente. Le capitalisme se nourrit des vices et stimule les vices. Il déteste la vertu. Et là où il aurait juste eu tort, si je comprends bien, c'est en disant que le vice est aussi nécessaire dans un état florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger, mais le vrai paradigme, dites-vous, n'est pas la faim et sa satisfaction, oui. qui normalement est finie, mais c'est la libido sexuelle et sa satisfaction infinie. Infinie, absolument, infinie. Et je pense effectivement que c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire, vous parlez de Mandeville, c'est 1714, hein, ouais. la publication de la fable des abeilles avec cet autre petit texte qui s'appelle « Les origines de la vertu morale », à quoi j'ai consacré aussi un livre. C'est un texte qui marque le renversement de la métaphysique occidentale. Puisque nous étions, elle était centrée, disons, de Augustin à Pascal sur l'amour de Dieu. La voici centrée désormais sur l'amour de soi et dans son expression la plus directe, ce que donc Mandeville appelle les vices privés. Oui. Donc il faut, il réussit à associer. C'est pour ça que c'est une, il vaut la peine de s'arrêter à Mandeville. Il réussit à associer les vices et la vertu avec cette formule. Les vices privés font la vertu publique. Oui. La vertu publique, c'est la richesse. Autrement donc pourquoi dit, est-ce que les vices... jouir, faire jouir Dieu et le monde, oui. c'est ce que vous dites oui. dans le commentaire. Oui. Mais encore une fois, le vice, c'est quoi le vice? C'est le fait de vouloir jouir? Ou c'est le fait de vouloir jouir toujours plus? Ou c'est le détournement des modalités de la jouissance? Alors, à l'époque de Pascal, mais même depuis Augustin, nous avions des définitions du vice qu'on appelait les libidos, justement. On parle du libidinal. Oui. Mais nous avions trois libidos, donc déclarés par Augustin comme les trois fleuves de feu qui embrasent donc l'être humain. La libido sciendi, la libido sentiendi et la libido dominandi. C'est-à-dire le désir de savoir, le désir de sentir et le désir de dominer. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc je crois qu'on a ces trois formes de libido et ce que à quoi Mandeville appelle, c'est à la libération de toutes ces formes de libido. Pourquoi ? Parce que cela crée. Alors il explique très bien, par exemple dans la remarque G de la fable des abeilles, puisqu'il a commenté sa fable des abeilles vers par vers, dans la remarque G de la fable des abeilles, elle s'intitule, autant que je me souvienne, comment les plus grands scélérats contribuent au bien commun. Alors qu'est-ce que c'est que ces scélératesse ? C'est le fait de l'avidité, c'est le fait de mentir, c'est la luxure. Ce qu'on appelait à l'époque les immondices, ce qu'on appellerait aujourd'hui les pollutions. Et donc tout ça c'est bon, il faut que tout ceci se libère parce que ceci va produire par exemple le vol, il défend le vol parce que ça fait des produits en moins qui disparaissent du marché et qu'il faut donc remplacer et qui donnent du travail. Alors ça me suscite beaucoup de questions si vous voulez bien. Oui. Pour Isabelle Alfandari, du point de vue de la conceptualité psychanalytique, est-ce que le fait de vouloir libérer la libido, je dirais même de la décharger sur un mode extrême, suffit à définir le vice ? D'abord, est-ce que le vice est un problème psychanalytique ? Mais suffit surtout à définir la perversion en psychanalyse ? Est-ce que c'est juste l'excès ? Il est vrai que Lacan disait le plus de jouir est quelque chose de la perversion. Mais passons à Freud, est-ce que vraiment ça suffit de dire la libération, le déchargement dans ses excès, suffit-il à définir la perversion au sens de Freud ? Non, non, pas du tout. Parce que pour Freud, d'abord, qui bouge un peu les limites et la question de la norme, la perversion, elle est d'une certaine manière, si j'ose dire, à la fois normale et innocente. Je m'explique. La sexualité humaine, telle que Freud la découvre en 1905, dans un texte qui s'appelle « Les trois essais », elle commence par être perverse. C'est-à-dire, au sens strict de la définition freudienne, elle est une déviation par rapport à l'acte sexuel reproducteur. Et elle passe par des stades, le stade oral, le stade anal, le stade génital. Et elle est donc le petit bébé, c'est la découverte de la sexualité infantile par Freud. Il recherche du plaisir sur un mode, et le petit enfant qui grandit recherche du plaisir sur un mode qu'on peut dire pervers. Non, c'est-à-dire, juste pour comprendre, non génital. Il n'en est pas capable, non génital, l'enfant, d'activer sa fonction génitale. Donc, il jouit, si je puis dire, le pervers polymorphe, dit voilà. Freud. Il jouit avec quelle zone alors ? Alors, il jouit avec différentes zones du corps, avec des objets partiels, avec des zones qui sont repérées, la zone orale d'abord, de l'expérience du sein dont j'ai parlé tout à l'heure, la zone anale, la zone génitale, même chez le petit enfant. Il jouit de jeux fétichistes, de jeux sadomasochistes, de voyeurisme. Freud dit que toutes les perversions, disons, adultes, ont leur équivalent archéologique, si on veut, dans l'enfance. Donc, la grande découverte freudienne, qui est la découverte de la sexualité infantile, va avec l'idée que on ne devient pas pervers, on le reste. Éventuellement. Éventuellement, bien sûr. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un individu pervers, si on veut utiliser cette catégorie, eh bien, il ne le devient pas au sens où il prendrait cette voie pulsionnelle, comme un destin désiré. Il s'est arrêté à un moment très infantile, il s'est fixé sur un moment infantile. Et au fond, la perversion pour Freud, c'est pour ça que perversion pour Freud, ça ne veut pas forcément dire vice, pas du tout nécessairement, encore que Freud ne dénie pas l'existence d'un agir pervers. Mais pour Freud, la perversion, c'est une catégorie, on pourrait dire, psychanalytique, qui décrit un certain nombre, disons, d'activités passives et actives absolument capitales dans le développement normal d'un sujet. Entendu. Et donc, ça n'a pas grand-chose à voir, si je vous entends bien, avec l'excès. Ça a à voir avec le déplacement. C'est-à-dire que, et le déplacement subi, puisque le petit enfant ne peut pas activer sa fonction génitale, donc c'est déplacé, l'éros ou la libido est déplacée sur d'autres zones. Donc, le fond du concept de perversion chez Freud n'a pas grand-chose à voir avec l'excès, en tout cas au départ. Ça a à voir avec le déplacement. Et ça a à voir avec la recherche d'un plaisir. Et d'un plaisir, d'une décharge, d'excitation, ça a à voir quand même avec la recherche, avec le principe de plaisir, l'affaire de la perversion, d'une recherche de plaisir. Et le petit enfant dit pervers polymorphe, il recherche du plaisir, un plaisir qui est activé par un certain nombre de zones dans le corps, par un certain nombre d'objets, etc. Il est occupé à ça, donc c'est pas complètement délié d'un excès, mais ça n'est pas d'abord la visée, disons, de ce qu'on pourrait appeler avec Lacan la jouissance. Oui. C'est au-delà du principe de plaisir, c'est Freud qui le découvre en 1920, il y a bien un au-delà du principe de plaisir, oui, qui est la question de la pulsion de mort, et là Freud note qu'il y a un masochisme originaire, c'est-à-dire qu'il y a bien, y compris chez l'enfant, une manière d'exercer, de s'infliger à lui-même de la douleur, et il y a donc bien un au-delà du principe de plaisir, donc la perversion elle n'est pas complètement pour Freud déliée de ça, mais elle n'est pas d'abord liée à un excès absolu, à la recherche de l'absolu, si j'ose dire. Alors, peut-être, Dany Robert Dufour, peut-on à présent préciser votre titre de ce livre qui est, je tiens à le dire aux auditeurs, très stimulant. Vous décrivez dans le détail un capitalisme débridé, vous revenez à des textes fondamentaux, on a parlé d'Augustin, vous évoquez Pascal, et puis vous évoquez bien sûr Mandeville et tout ce qu'on a dit. Mais ce titre, La cité perverse, renvoie-t-il au problème de l'excès, de jouir, de jouissance, souhaité par le capitalisme, ou renvoie-t-il d'abord au fait que la libido est activé pour être sans arrêt déplacé. C'est-à-dire, c'est quand même... Si vous employez le mot perversion, d'après ce que je comprends des explications d'Isabelle Alfandari, c'est le problème du déplacement qui est central. Oui, c'est le problème du déplacement, mais aussi c'est le problème, alors qu'on n'a peut-être pas encore abordé, mais qu'il faudrait aborder, c'est le problème de l'emprise. De l'emprise sur l'autre. Allez-y. Et là commence véritablement la question de la perversion. Il y a un auteur que... On en a parlé tout à l'heure, vous connaissez, qui s'appelle Paul-Claude Racamier, qui a travaillé sur cette seconde partie du XXe siècle, sur la perversion, et autant que je me souvienne, il disait que le pervers est celui qui considère l'autre comme un ustensile, comme une marionnette. Et donc, je crois que ce qui est en jeu dans cette économie de la jouissance qui donc vise à toujours combler les appétences avec des objets, c'est aussi une pulsion d'emprise sur ces individus. Oui, c'est la différence entre le pervers enfant, oui, et qui naturellement une perversion infantile, il peut pas bien faire sûr autrement, et l'autre c'est une autre, quelque chose d'auto, un auto-érotisme, et donc Isabelle Alfandari, le pervers adulte qui, lui, certes, est resté à des stades infantiles, mais introduit la dimension de l'autre et sur un mode, quoi, violent? Qu'est-ce qu'il faut dire, là? Comment penser le pervers adulte, maintenant? Alors, le pervers adulte, il faut d'abord dire que dans la psychanalyse, tout le monde ne s'entend pas sur cette catégorie, oui, de perversion adulte. Elle n'a d'ailleurs pas, au fond, été tellement abordée par Freud, aussi étonnant que ça puisse paraître. Elle est surtout reprise d'une certaine manière par Lacan, pas seulement par Lacan, il y a d'autres psychanalystes, Stoller, il y a des psychanalystes américains qui s'intéressent à la perversion. Mais pour Freud, l'essentiel, encore une fois, c'était de voir l'archéologie de la perversion et combien la perversion, en fait, fait partie de ce qu'on pourrait appeler le développement normal. Mais le pervers adulte, c'est quelqu'un dont on pourrait dire qu'il a un problème avec l'autre. Oui. Avec l'autre petit autre, c'est-à-dire l'autre au miroir, ou avec le grand autre, oui, oui, avec le premier autre, la mère notamment. Et il a un gros problème avec cet autre qu'on appelle le père. Et donc, il va être occupé, le pervers adulte, à provoquer et à défier le père, à dénier sa loi et à défier son autorité. Lacan, d'ailleurs, fait un jeu de mots qui me paraît assez intéressant en disant que dans perversion, bon, ça marche qu'en français, il faut entendre « vers le père ». Pervers, c'est celui qui va d'une certaine manière vers le père pour défier son autorité et pour la provoquer, pour refuser d'une certaine manière l'ordre. Alors, Lacan dit l'ordre de la différence sexuelle, le pervers, c'est d'une certaine manière, et ça c'est quelque chose que Freud a déjà travaillé, a déjà montré, celui qui supporte très mal une expérience traumatisante, celle que vit tout enfant de s'apercevoir que sa mère n'a pas de pénis, qu'elle est sexuellement différente, éventuellement du petit garçon, ou en tout cas du père. Et le pervers, c'est celui qui va en rester à ce stade, à la fois de défier cette réalité, disons, cette perception traumatisante, et de la défier, de la reconnaître et de la dénier dans le même temps. Et de la repousser sur l'autre. Et de la repousser voilà. sur l'autre. De la faire couver. Et de jouir, de s'identifier. Exactement. Couver chez l'autre. Voilà. Et ce que dit Lacan, c'est de s'identifier à la jouissance du grand autre. Oui, et c'est on ça. Voit ça, par exemple, chez Sade, dont le nom tout à fait, tout à sera fait. Peut-être prononcé alors, un peu plus juste... Il va être prononcé, ne vous inquiétez pas, mais je voulais quand même y aller doucement. Juste un petit mot, si vous me le permettez, oui, bien sûr. sur Freud. Il ne prononce pas, je vais dire trois lignes de Freud. Il ne prononce pas, ça vient de malaise dans la civilisation, il ne prononce pas donc le mot de perversion pour le pervers adulte, mais tout se passe comme s'il décrivait le pervers adulte, ces fameuses lignes. L'homme n'est point cet être débonheur au cœur assoiffé d'amour dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être au contraire qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Pour lui, par conséquent, le prochain, donc l'autre, n'est pas seulement un auxiliaire et un objet sexuel possible, mais aussi un objet de tentation. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser, de le tuer. Freud. Alors, simplement, vous avez raison, je pense qu'il parle, comme vous dites, du pervers sans le nommer, mais s'il ne nomme pas, c'est qu'il ne veut pas en faire une catégorie nosographique. Oui, certes. Il veut dire que cette tendance-là, à l'agression, à l'emprise, elle est présente, en fait, historiquement, si j'ose dire, chez tout sujet. C'est ça. Et chez certains, elle se fixe et elle prend un caractère problématique. Mais ça pose quand même un problème, si vous me le permettez. C'est que, du coup... ça ne déplace pas la définition du sujet, de sa définition usuelle comme névrotique, à pervers, puisque là, il considère tous les hommes qui sont porteurs et tous les hommes adultes. Il généralise, là. Ça fait peut-être partie du pessimisme freudien, hein. C'est le dernier Freud, en plus. Ouais, Mais alors ça renvoie à un sujet qu'on va aborder, qui est, peut-on passer de la névrose à la perversion ? Mais je voudrais préciser à nos auditeurs ce que nous sommes en train de faire. Il s'agit d'une émission sur les liens entre perversion et transgression. C'est dans le cadre d'une série sur la transgression. Essayons de parler proprement, d'employer les mots convenablement. C'est la raison pour laquelle nous avons avec nous Isabelle Alfandari, psychanalyste, mais aussi professeure de littérature comparée et philosophe, et Dany Robert Dufour, auteur d'un livre très stimulant qui s'appelle La cité perverse, et qui porte largement sur le capitalisme. Je vous pose donc la question, Isabelle Alfandari, puisque c'est très important pour Dany Robert Dufour, cette idée que l'individu normal a une tendance névrotique qui souvent affleure à certains moments de sa vie, qu'il y a des choses qui sont interdites, il le sait parfaitement, qu'il l'oblige à refouler. Le refoulement n'est pas en soi pathologique, mais il peut le devenir, ça peut faire mal de refouler des choses. On les a parfois mal refoulées et souvent on définit la névrose ainsi. Ça peut donc arriver à tout le monde. La perversion, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut passer de la case névrose à la case perversion, ou est-ce que ça n'a quand même franchement rien à voir? Ça n'a pas grand-chose à voir. Vous avez raison de dire... Alors, bon, l'individu normal, il faudrait s'entendre sur ce terme, bien sûr, et prendre beaucoup de guillemets et de pincettes, parce qu'on ne sait pas très bien, au fond, ce que ça veut dire. En tout cas, la psychanalyse pose la question, justement, de la normalité. Et le fait d'avoir mis la perversion à l'origine, d'une certaine manière, du développement normal, on comprend bien comment ça fait bouger les lignes. Mais oui, il n'y a pas grand-chose à voir entre la... Enfin, pour Freud même, c'est la perversion et l'autre au miroir, hein, l'autre inverse de la névrose. Le névrosé, c'est celui qui refoule, au fond, hein, cette fameuse perception traumatisante dont j'ai parlé un peu plus tôt, alors que le pervers, c'est celui qui est clivé, hein, qui à la fois la reconnaît et la refuse. Et l'exemple de la perversion le plus paradigmatique pour Freud, le plus exemplaire, c'est le fétichisme. C'est celui, finalement, qui par le fétiche... dont Freud dit que c'est un phallus maternel, c'est une espèce de substitut au pénis de la mère manquant, qui à la fois dénie la castration de la mère et la reconnaît à la fois. Au fond, alors que le psychotique, par exemple, lui a des troubles avec la réalité beaucoup plus sérieux. Il est capable de ne pas voir certaines choses. Mais le pervers sait parfaitement que les femmes n'ont pas de pénis. Et il leur invente des pénis de substitution. Exactement. Peut-on dire. C'est exactement ça. Le fétiche, c'est ce petit objet isolé qui remplace, qui remplit d'une certaine manière ce qui manque. Donc la chaussure, et puis l'objet. N'importe quel objet peut faire l'objet d'un travestissement, enfin d'un devenir fétichiste. Et donc, d'une certaine manière, le pervers, c'est celui qui dénie et reconnaît à la fois l'ordre, on pourrait dire. La castration, disent les analystes, mais l'ordre du père, l'ordre moral. Il le reconnaît et il le dénie. Il le provoque et il le dénie. Et le fétiche, c'est ça. C'est à la fois remplir le manque et dire qu'il n'y a pas de manque. Et donc, normalement, la névrose est assez loin de ce problème. Bon, je présume qu'il y a toujours des cas cliniques complexes. En fait, elle n'est pas tellement loin. Elle est une autre manière de défense. Elle est une autre solution à la difficulté, finalement, du rapport à l'autre. Dans la névrose, la fameuse réalité traumatisante, elle est refoulée. Oui. Chez le pervers, elle n'est pas refoulée, elle existe d'une certaine manière, de manière relativement consciente, on pourrait dire. Elle est activée. Elle est activée contre l'autre, elle est activée par rapport à l'objet. Donc ce qui donne une sorte de toute-puissance, puisqu'on est capable de créer ce qui n'existe pas. Et là, on va retrouver évidemment vos thèses, Daniel Robert Dufour, quelque chose autour de la toute-puissance de l'individu moderne qui se réalise notamment dans le capitalisme. Alors, nous avons dit qu'il fallait parler de Sade. Eh bien, nous allons parler de Sade. Donc, dans les 120 journées de Sodome ou l'école du libertinage de 1785, livre dont beaucoup, dont Annie Lebrun, ont dit qu'on sortait forcément malade, on assiste à tout un programme de jouissance organisé par le duc de Blangis qui est extrêmement riche. On peut dire qu'il n'est pas dans le capitalisme, mais enfin, s'il était dedans, on voit bien quel genre de richesse infinie il incarnerait. Et bien, je vous propose tout simplement qu'on écoute la présentation du duc de Blangis par Sade. Le duc de Blangis, maître à 18 ans d'une fortune déjà immense, éprouva tous les inconvénients qui naissent en foule autour d'un jeune homme riche, en crédit, et qui n'a rien à se refuser. Presque toujours dans un tel cas, la mesure des forces devient celle des vices, et on se refuse d'autant moins qu'on n'a plus de facilité à se procurer tout. La nature, dis-je, en destinant Blangis à une richesse immense, lui avait précisément départi tous les mouvements, toutes les inspirations qu'il fallait pour en abuser. Avec un esprit très noir et très méchant, elle lui avait donné l'âme la plus scélérate et la plus dure, accompagnée des désordres dans les goûts et dans les caprices, d'où naissent le libertinage effrayant auquel le duc était si singulièrement enclin. Né faux, dur, impérieux, barbare, égoïste, également prodigue pour ses plaisirs et avare quand il s'agissait d'être utile, menteur, gourmand, ivrogne, poltron, sodomite, incestueux, meurtrier, incendiaire, voleur, pas une seule vertu ne compensait autant de vices. Que dis-je ? Non seulement il n'en révérait aucune, mais elles lui étaient toutes en horreur. Et l'on lui entendait dire souvent qu'un homme, pour être véritablement heureux dans ce monde, devait non seulement se livrer à tous les vices, mais ne se permettre jamais une vertu, et qu'il n'était pas non seulement question de toujours mal faire, mais qu'il s'agissait même de ne jamais faire le bien. Son père, mort jeune, et l'ayant laissé, comme je l'ai dit, maître d'une fortune immense, avait pourtant mis pour clause que le jeune homme laisserait jouir sa mère, sa vie durant, d'une grande partie de cette fortune. Une telle condition déplut bientôt à Blangis, et le scélérat, ne voyant que le poison qui put l'empêcher d'y souscrire, il se détermina sur le champ à en faire usage. Mais le fourbe, débutant pour lors dans la carrière du vice, n'osa pas agir lui-même. Il engagea une de ses sœurs, avec laquelle il vivait une intrigue criminelle, à se charger de cette exécution, en lui faisant entendre que si elle réussissait, il la ferait jouir d'une partie de la fortune dont cette mort le rendrait le maître. Mais la jeune personne eut horreur de cette action, et le duc, voyant que son secret mal confié allait peut-être être trahi, se décida dans la minute à réunir à sa victime celle qu'il avait voulu rendre sa complice. Il les mena à une de ses terres d'où les deux infortunés ne revinrent jamais. Rien n'encourage jamais comme un premier crime impuni. Dès qu'un être quelconque opposait à ses désirs la plus légère entrave, le poison s'employait aussitôt. Des meurtres nécessaires, il passa bientôt au meurtre de volupté. Il conçut ce malheureux écart qui nous fait trouver des plaisirs dans les maux d'autrui. Il sentit qu'une commotion violente, imprimée sur un adversaire quelconque, rapportait à la masse de nos nerfs une vibration dont l'effet les oblige à presser les nerfs érecteurs et à produire, d'après cet ébranlement, ce qu'on appelle une sensation lubrique. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Robert Dufour, je sais que vous piaffez. On va réfléchir au duc de Blangy ou de Blangis, je ne sais pas comment il faut dire, avec vous pour réfléchir à, notamment au problème de sa, comment dire, de sa norme, hein, qui est peut-être devenue la norme de nos sociétés. On va y réfléchir, mais avant, sur le plan conceptuel, je voudrais que Isabelle Alfandari nous dise si on a le droit conceptuellement de dire que le duc de Blangy est un pervers qui transgresse tout. La seule norme qu'ils connaissent, c'est la transgression tous azimuts de toutes les normes existantes. Est-ce que vous reconnaissez ce lien avec la notion de transgression ? On peut dire que c'est un grand pervers. C'est un grand pervers, et d'ailleurs la mention de son père et de la manière dont il défie et dont il dénie la loi paternelle posthume, si j'ose dire, puisqu'il le père avait demandé que la mère, dans le texte qu'on a envoyé, qu'on a entendu à l'instant, que la mère continue de pouvoir jouir de terre. Hein, et ce terme de jouissance, il est très intéressant, parce que c'est un terme juridique d'ailleurs. Hein, c'est la capacité d'aliéner un bien, n'est-ce pas, et d'aliéner l'autre aussi. Mais donc il s'oppose à la loi du père et à la loi du père mort. C'est un grand pervers, si donc on veut utiliser cette catégorie. Il jouit et il fait jouir de toutes les façons possibles. Il transgresse donc toutes les normes et c'est là peut-être sa seule norme. Alors maintenant, Dany Robert Dufour, pourquoi pensez-vous que notre société est devenue sadienne ? Alors, je pense effectivement, vous avez mis le doigt sur la question, nos sociétés sont devenues sadiennes. Si vous relisez des 120 journées de Sodome, toutefois si vous y réussissez sans tomber malade, comme dit à la fois Annie Lebrun et Bataille, vous apercevrez que c'est un programme de destruction totale, puisqu'il y a une comptabilité avec des historiens qui tiennent des chroniques, qui tiennent des livres de comptes avec tous les jours, pendant 120 journées, donc les destructions, les démembrements, les corps éventrés, etc., etc. C'est une destruction systématique. Et ça, c'est notre quotidien ? Alors, notre quotidien, c'est la destruction du monde en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous ne savons pas si dans une génération ou deux, nous serons encore là. Nous avons réussi à détruire en 30 ans la moitié des espèces vivantes. Donc nous sommes bien partis. Vous voulez parler encore un de effort, la destruction de l'environnement. Encore un effort, comme la nature. Comme disait Sade, et nous y serons bientôt dans la destruction. Par ailleurs, il y a un autre aspect qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, c'est la richesse. Je vous ai dit que la visée du capitalisme financier, c'était la richesse infinie. Et là, nous sommes dans l'idée d'une richesse infinie. Et cette richesse infinie, elle fonctionne comme quoi ? Comme ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un fétiche. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un fétiche, non pas dans les sociétés pour Freud, mais dans les sociétés traditionnelles ? C'est par exemple quelqu'un qui possède un sifflet, c'est un objet ordinaire, il siffle dans le sifflet, mais le fétiche possède une qualité supplémentaire, il va permettre de faire pleuvoir, par exemple. Oui. Eh bien, l'argent, c'est un fétiche qui permet pour ces pervers, qui permet tout. Il permet l'achat de toutes les jouissances, c'est exactement... Mais est-ce qu'il nous rend meurtriers ? Attends, je termine sur je vous en fétiche. Prie. Il permet l'achat de toutes les jouissances. Il a une autre qualité, c'est qu'il peut se dissimuler pour pas se le faire voler. Par exemple, ça s'appelle les paradis fiscaux. Aujourd'hui, oui, si on veut, oui, oui. Il y a énormément d'argent dans les paradis fiscaux. Et la troisième qualité, elle avait été découverte par Marx, c'est que l'argent fait des petits, l'argent fait de l'argent. Et puis je vais vous donner un argument qui va dans votre sens, parce que j'adore ce passage où vous évoquez la crise de 2008, et vous citez Michel Rocard. Oui. Qui semble s'être lâché le 1er novembre 2008 dans Le Monde et qui dit la perversité du système qui a mené à cette crise. Je le cite. Je vous cite. Oui. On reste trop révérencieux à l'égard de l'industrie de la finance et de l'industrie intellectuelle de la science financière. Des professeurs de maths enseignent à leurs étudiants comment faire des coups boursiers. Ce qu'ils font relève, sans qu'ils le sachent, du crime contre l'humanité. Et vous, vous ajoutez aussi qu'on a appris dans l'industrie à servir les actionnaires, plus que le bien-être de l'entreprise. Et vous dites que les actionnaires se sont trouvés putanisés. Tout à fait. Mais je vous laisse commenter. Ben écoutez, je crois que l'idée de ce texte de Sade... et d'une certaine façon, on a parlé souvent de Sade comme d'un... Annie Lebrun, par exemple, d'un bloc d'abîme, quelque chose de complètement inactuel qui tombait soudainement sur le monde, on ne sait pas pourquoi. Moi, je crois au contraire que Sade est très repérable dans une histoire récente qui date de 3 siècles, puisque au début du 18e siècle, donc, on a Mandeville avec donc l'idée qu'il a de réorganiser ce qu'on n'appelle pas encore le lien social sur les vices privés, et à la fin du siècle, on a Sade avec l'idée donc qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut se permettre de faire. Avec la visée derrière tout ça, qui est la visée de l'argent comme fétiche. Et donc, j'ai donné les 3 définitions de l'argent comme fétiche, et je crois que nous y sommes maintenant, dans cette définition de l'argent. Je vous remercie parce qu'on comprend bien là vos thèses. Je vous propose juste de mettre Annie Lebrun de côté, parce que je crois que c'est assez complexe en fait. Oui, j'ai compris. Bloc d'abîme, vous n'êtes pas seulement une réponse à Annie Lebrun. Non. Mais maintenant, j'aimerais savoir ce qu'en pense Isabelle Alfandari. Cette idée d'une perversion généralisée devenue la norme de nos sociétés, vous intéresse-t-elle? Oui, enfin, je sais pas si je dirais... Enfin, en tout cas, je trouve que c'est une hypothèse intéressante pour comprendre un certain nombre de choses qui peut-être reste un peu énigmatique aujourd'hui. Je pense que c'est une hypothèse intéressante. Je pense à cet égard, je ne sais pas si vous serez d'accord, que Sade est quand même assez visionnaire du capitalisme, parce qu'on en est vraiment aux prémices. Et il a une manière... Sade, il n'est pas seulement occupé à nous inciter à cette jubilation, cette jouissance désordonnée. Il est aussi occupé, d'une certaine manière, à l'enregistrer, à la décrire de manière entomologique. Donc il y a aussi sans doute une fonction critique de l'œuvre sadienne qui est... Et de vision, de prévision, si j'ose dire. Donc oui, je pense que c'est assez intéressant de poser l'hypothèse, de poser la nouvelle hypothèse d'une perversion généralisée qui remplacerait d'une certaine manière l'hypothèse notamment l'hypothèse de Freud dans le malaise dans la culture, qui est une hypothèse du refoulement, de l'obligation à la répression. C'est ça. Ce qui a changé, je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense, c'est qu'on s'est déplacé, pour utiliser un mot qui a été utilisé tout à l'heure, de la répression, disons, d'une norme répressive. Oui, à une norme perverse, si j'ose dire, qui est la vérité même de la perversion. C'est-à-dire remplacer au fond la capacité à faire mal et la mettre, cette capacité à blesser, à s'identifier à la jouissance du grand œuvre, la mettre au lieu de la loi. C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que ça veut dire que la vraie transgression aujourd'hui, c'est de refuser l'hyper-transgression normative imposée par la société perverse. Oui, je pense que c'est de trouver des voies pour échapper à, je dirais, au système, aux différents systèmes théologiques ou théologico-politiques dans lesquels nous sommes. Nous étions dans un système théologico-politique qui prônait la répression pulsionnelle et qui produisait quantité de névrosés, c'est-à-dire des sujets soumis au refoulement et qui étaient dans ce refoulement des idées ou des désirs revenir et donc qui étaient en plus sujets à la culpabilité. Oui. Nous sommes passés de ce système pervers à un autre système pervers qui est celui de l'incitation pulsionnelle, de la libération pulsionnelle qui produit effectivement un certain nombre de pervers. Donc, de perversion dans le monde. À refouler. Et donc, je pense que ce sont ces systèmes aussi qui sont pervers. C'est pas simplement l'homme qui est oui, pervers. Oui, ça, je crois qu'on a ces systèmes théologico-politiques qui sont pervers. Et donc, notre visée philosophique, notre enjeu philosophique, c'est d'échapper donc à ces différentes formes de systèmes pervers et de trouver des voies d'essayer d'en sortir. Réapprenons à refouler, c'est troublant parce que c'est pas un ordre qu'on peut donner, mais ça peut être un processus civilisationnel, on peut parler comme ça peut-être. De toutes les façons, pour Freud, c'est tout le problème de la civilisation qui est à la fois répressive, nécessairement répressive, et qui produit des effets de refoulement problématiques. Mais juste pour faire écho à ce qui a été dit à l'instant, il me semble que le système pervers, l'injonction à la jouissance sans limite et obligatoire, elle produit pas que de la perversion, elle produit un renforcement des névroses. Oui. Parce que beaucoup d'entre nous ne pouvons pas jouir sans limite, avons quand même un certain nombre de limites qui se trouvent dans une situation d'être renforcées, d'être culpabilisées à l'idée de ne pas pouvoir comme l'autre. Et puis souvent la déception est au rendez-vous avec l'objet, la promesse de jouissance qui est faite quand on prend l'objet, quand on achète l'objet. Donc la déception est là. C'était Madonna, Material Girl. Nous vivons dans un monde matérialiste, chante-t-elle, et je suis une fille matérialiste. C'est une chanson de 1984. À présent, je vous propose d'écouter Frédéric Worms qui nous parle cette semaine du chaud et du froid. Comment a-t-on inventé la température ? Le chaud et le froid ne sont pas seulement des catégories générales d'une expérience sensible première, mais extérieure, où, par exemple, nous trempons notre main dans une eau glacée d'un côté, ou bien nous la retirons avec saisissement d'une brûlure devant une cheminée ou une plaque électrique, et nous disons que d'un côté ça brûle et de l'autre côté il fait froid. Et ce n'est pas non plus seulement le chaud et le froid l'objet d'une étude scientifique, d'une étude physique objective qui nous fait reconnaître les les mécanismes qui sont derrière cette expérience sensible et qualitative, infiniment variée de tous les degrés du chaud et du froid. Non, le chaud et le froid sont peut-être d'abord des catégories de la médecine, des catégories de la vie et de la médecine, des catégories par lesquelles on désigne non seulement une palette d'états indifférents, mais des seuils qui permettent d'un côté la vie, car il faut un minimum de chaleur pour que la vie prenne forme, et qui permettent aussi de déterminer les degrés à partir duquel, les degrés, c'est le cas de le dire, à partir duquel sa chaleur ou le froid deviennent menaçants. La chaleur, il n'en faut ni trop, ni trop peu pour survivre. Trop de chaleur et nous sommes brûlés, trop peu de chaleur et nous sommes glacés. Des deux côtés, la mort nous guette. La norme du chaud et du froid, c'est ce qu'on appelle la température. La température, ce n'est pas seulement la mesure abstraite de la chaleur, c'est aussi la mesure d'une norme qualitative pour un être considéré comme un tout, pour un organisme. Et avoir trop de température, c'est toujours le symptôme d'un danger mortel, de ce qu'on appelle une maladie. La température, c'est donc aussi ce qu'on appelle en médecine désormais la régulation, l'homéostasie. Il faut que l'ensemble du corps considéré comme un tout parvienne à un degré de température qui soit compatible avec la vie. Et cela vaut non seulement pour nos organismes, mais pour la planète aujourd'hui. Et il faut bien sûr y revenir. Pourtant, ce phénomène de la température intérieure d'un corps, non seulement de celle du feu dehors, mais de celle de mon organe, de mes organes ou de mon organisme tout entier, a fasciné la science dans son histoire. Là aussi, elle a été travaillée par la fascination qualitative, par le souci de compréhension et d'explication mathématique, et aujourd'hui par le retour équilibré à une norme vitale. D'un côté, il y avait la fièvre. Michel Foucault a nommé à étudier dans sa naissance de la clinique l'ontologie classique, antique même, de la fièvre. La fièvre comme une entité qui envahit le corps, une sorte de chaleur, de maladie qui envahit le corps et qui produit cette fièvre. Au tournant du 19e siècle, on commence à comprendre que la fièvre est plutôt un symptôme de résistance, un symptôme qui est une réaction. Et pour Foucault, cela traduit une transformation du regard médical. On ne fait plus de la fièvre un être, un agent actif, mais plutôt une propagation, là aussi, de lieu en lieu, d'organe en organe, d'irritation en irritation, exactement comme l'étudiait Bachelard dans les solides. Mais cette réduction de la fièvre à une transmission d'irritation ou de chaleur laisse de côté quand même l'expérience objective d'une norme qui définit la température vitale ou mortelle d'un organisme. On doit renoncer à faire de la fièvre ou du feu un être en nous qui nous brûle, mais ne pas la réduire non plus à des quantités abstraites et sans différence absolue, car les différences de température sont aussi les normes de notre vie. Merci Frédéric Worms et merci Isabelle Alfandari et Dany Robert Dufour pour vos éclairages sur transgression et perversion aujourd'hui. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Florent Bujon. Elle a été préparée en particulier par Marine Boudalier et le reste de l'équipe, Anna Fulpin, lectrice de Sade aujourd'hui, ce n'est pas rien, Marine Boudalier, Chaïma Gibbon et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité !